Quand ton vieux père vient te dire que tu n'as pas gardé les convenances, tu peux le croire. Et je ne te parle pas encore de la profonde douleur que j'ai ressentie. Elle est bien amère, car tu jettes le blâme sur une femme dont le cœur ne t'est pas connu, dont l'intimité peut devenir terrible. Et hélas, toi, si pleine de candeur, d'innocence, de pureté, tu ne doutes de rien. Tu peux être sali, calomnié. D'ailleurs, mon cher petit ange, tu as pris au sérieux une plaisanterie, et je puis, moi, te garantir l'innocence de ton mari, Madame Marneffe. Jusque-là, le baron, comme un artiste en diplomatie, modulait admirablement bien ses remontrances. Il avait, comme on le voit, supérieurement ménagé l'introduction de ce nom. Mais en l'entendant, Hortense fit le geste d'une personne blessée au vif. « Écoute-moi, j'ai de l'expérience et j'ai tout observé, » reprit le père en empêchant sa fille de parler. « Cette dame traite ton mari très froidement. Oui, tu as été l'objet d'une mystification, je vais t'en donner les preuves. Tiens, hier, Venceslas était à dîner. » « Il y dînait ?» demanda la jeune femme en se dressant sur ses pieds et regardant son père avec l'horreur peinte sur le visage. « Hier, après avoir lu ma lettre ? Oh mon Dieu ! Pourquoi ne suis-je pas entrée dans un couvent, au lieu de me marier ? Ma vie n'est plus à moi, j'ai un enfant !» ajouta-t-elle en sanglotant. Ses larmes atteignirent Madame Hulot au cœur. Elle sortit de sa chambre, elle courut à sa fille, la prit dans ses bras, et lui fit de ses questions stupides de douleur les premières qui viennent sur les lèvres.